Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Television Television, les Simpsons et Family Guy se rencontrent enfin tandis qu'American Dad change de réseau. Dans le segment Geek CNX, Apple enquête sur la mort d'une femme électrocutée par son iPhone. Et dans C'est un fait, Tech Edition, une galerie de faits sur la série Grand Theft Auto. Tout ça et plus tout de suite au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Voici votre animateur, celui pour qui lèche-vitrine veut dire lécher son écran en regardant Amazon, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Grégory Charles. Évidemment, je suis pas seul à monologuer et rire de mes propres blagues. Pour ça, on a Marie-Ève Picard. Salut! Salut! Ça va? Ça va très bien, toi? Oui, deuxième émission du Mathieu Plante Show. Eh oui, deuxième déjà. T'es excitant? On se tente pas par toi? Ben non. Donc, dans quelques minutes, on aura Television, mais avant ça, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux. Et l'artiste qu'on écoute, c'est Spooked avec un cover de la pièce des Smiths, Girlfriend in a Coma, tout de suite au Mathieu Plante Show. Woohoo! Spooked avec un cover d'une chanson des Smiths, Girlfriend in a Coma, au Mathieu Plante Show. Et maintenant, on commence avec la première chronique de l'émission, Marie-Ève. Ah oui, déjà? Qu'est-ce que c'est, tu penses, selon la tradition? Je suis pas certaine, mais je vais y aller avec... Télévision! Télévision! Television Television, la chronique sur, évidemment, les j'ai sur le bout de la... Attends un peu... Télévision! Oh! Yeah! T'as failli m'aider, mais finalement, j'ai pas eu besoin de ton aide. Ouais, je me suis dit, là, faut pas que je le laisse faire un peu, là, quand même. Débrouillardise. Ben hein, oui, c'est ça. Je peux pas tout te donner tout cru, là. Donc, commençons Television Television tout de suite avec un petit peu de québécois, mais y a pas grand-chose au niveau québécois en ce moment. En tout cas, pas grand-chose qui est pas couvert partout ailleurs. Là. On parle un petit peu de Martin Matt. T'es au courant de sa nouvelle émission qui s'en vient? Ben non. Parle-moi-en. Me v'là. On connaît maintenant la distribution de la nouvelle série Les Beaux Malaises, une création de l'humoriste Martin Matt, dont le tournage s'est amorcé récemment. Martin Matt a écrit des textes avec François Havard et produit cette comédie qui s'insérera dans la grille horaire de TVA l'an prochain, selon le Journal de Montréal. La production inspirée du quotidien de l'humoriste nous le fera connaître davantage dans un esprit d'autodérision et un brin d'effronterie. Je pense qu'on s'attend à ça. Oh. Pour donner la réplique à Martin Matt, qui jouera son propre rôle, on a embauché Julie Le Breton, qui va jouer sa conjointe. On se rappelle d'elle, c'était la copine de François dans François en série. Mais oui, tout à fait. Oh, c'était bon ça. Hey, c'était très bon ça. Et parlant de cette série-là, Patrice Robitaille, qui était aussi c'était le meilleur ami de François dans François en série. Oui, oui. Et puis là, il va jouer le meilleur ami aussi dans cette émission-là. Oh, hey, ça a de la suite des idées, ça. On dirait Gilligan, tu sais. Oui. Je peux juste faire une affaire. Martin Périsolo, qu'on connaît pour, c'est quoi le gros show, ces affaires-là? Donc, il va jouer son meilleur ami, Roger, et Michel Deslauriers, qui va être sa mère. Les autres personnages font des apparitions épisodiques. Alexis Martin est un nom qu'on connaît pour son rôle du professeur là, qui disait tout le temps, genre, petit bonhomme Léo dans Radio Enfer. Oui! Il a joué dans... Est-ce que c'était Apparence ou Aveu? On se met tout ça. Ça ressemble quand même. C'est le même auteur. Oui, c'est ça. Bénédicte Descarry va être son ex-blonde et Catherine Proulemé, la blonde de son meilleur ami. Plein d'autres gens aussi dans cette série-là. Les Beaux Malaises, qui va être réalisé par Francis Leclerc, qui a travaillé sur Apparence aussi. Donc, d'où le lien avec Alexis Martin. Et voilà. Il a travaillé sur Mémoire affective et Nos étés. C'est un petit peu moins mon genre. Ouais, mais quand même, ça avait bien marché, ça. La qualité. Et ça va être à TVA, l'émission. Donc, c'est pour une fois qu'il va y avoir quelque chose de bon. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être génial. Ensuite, on parle d'une actrice québécoise qu'on connaît, qu'on apprécie quand même, Karine Vanasse. Ah! Tu te rappelles qu'elle avait commencé au Québec avec genre les débrouillards, je pense. Oui, tout à fait. Elle était montée jusqu'à Paname, littéralement. Elle s'est envolée avec Paname aux États-Unis. C'est beau. Ah oui. Elle est redescendue avec 30 vies. Oh, as-tu crashé? Oh, pas de mauvaise blague. Donc, elle était à 30 vies l'année passée, puis là, elle est de retour aux États-Unis avec la série Vengeance. Non, Vengeance, c'est son titre au Québec, puis c'est Revenge aux États-Unis. Revenge, oui. Représentant de la chaîne ABC a confirmé que l'actrice Karine Vanasse, qui est connue par l'audience américaine pour son rôle de Colette Valois dans Paname, a signé pour un rôle récurrent dans la troisième saison de la série Revenge, Vengeance. Karine Vanasse va jouer Margot, une femme d'affaires européenne et ancienne connaissance à Daniel, qui est à New York, qui a fait de démarrer un nouveau magazine. Donc, elle va jouer une européenne. Est-ce qu'il va falloir qu'elle prenne un accent genre faux français, joué par parce que tu vas être dans une série américaine, donc tu prennes un faux accent. J'ai hâte de voir ça. Comment qu'elle va faire ça? Bonne actrice, elle est capable. Revenge va sauter 5 mois dans le futur quand la série va revenir sur les ondes de ABC le 29 octobre prochain sur cet article de tvqc.com. Maintenant, les Simpsons et Family Guy, deux dessins animés très connus, vont se rencontrer en 2014. Hein? Mm-hmm, se rencontrer? C'est deux univers complètement différents. Il y en a qui ont la peau jaune, les Simpsons. Comment est-ce qu'on va... Une histoire de racisme, ça. Oh! Donc, la chaîne Fox prépare pour l'automne de l'année prochaine un épisode commun entre ces deux séries d'animation phares, les Simpsons et Family Guy, selon tvline.com. La rencontre entre les deux familles d'Américains moyens se déroulera à Springfield, donc ça va se passer dans l'univers des Simpsons, chez les Simpsons, mais diffusé dans la série Family Guy. Oh! C'est quand même spécial. Oui, ça va être très, très, très spécial. Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie font la connaissance de Peter, Lois, Megan, Chris et Stewie. Alors que les deux mères se lieront d'amitié, les pères se lanceront dans une discussion d'une haute importance, soit, quelle est la meilleure bière entre la Duff et la Pawtucket? Ça va être très drôle. Family Guy qui est installé à Fox depuis 99, soit 10 ans après les Simpsons en 89. Les Simpsons entrera le 29 septembre prochain, la 20e... la 25e saison. 25e, le 29 septembre. Il aurait dû mettre ça le 25, ça serait plus simple. Un record pour un programme diffusé en soirée aux États-Unis. Le même jour, Family Guy va dévoiler sa 12e saison. J'ai vraiment hâte de voir ça. On aime Family Guy, on aime un peu moins. En tout cas, moi, j'ai moins regardé American Dad. Ouais, un peu moins, mais quand même. Ouais. Donc, la comédie d'animation American Dad a attiré la chaîne TBS. qui d'ailleurs avait déjà accueilli l'émission Cougar Town de ABC. Il l'avait choisi, enfin il l'avait acheté pour pouvoir diffuser les nouvelles saisons. Oui. Il se passe la même chose. TBS, chaîne spécialisée dans les programmes humoristiques, se chargera de la diffusion d'American Dad à partir de l'an prochain. La comédie de Seth MacFarlane, créateur également du Cleveland Show, qui n'existe plus, et des Griffin, Family Guy, va entamer sa 10e et dernière saison sur la Fox à la rentrée. Depuis début 2005, le réseau dévoile chaque dimanche soir ses mésaventures de la famille Smith. Donc, série satirique qui va entamer le 29 septembre prochain sur Fox sa 10e saison et poursuivre la suivante. Donc, à partir de l'autre année d'après, en 2014, on va devoir se brancher sur TBS, une chaîne spécialisée qui avait déjà, comme on disait, accueilli Cougar Town et que ça avait bien aidé. Pour vrai, Cougar Town a l'air de bien fonctionner. Oui. Puis, est-ce que tu crois que TBS essaie comme de se donner un style là, en essayant de reprendre un peu les émissions qui marchent moins? Alors, donner toute une deuxième chance parce que ils prennent c'est un gros coup de dé, là, quand même. Et ils ont fait ça avec Conan aussi. Aussi, oui, tout à fait. Donc, vraiment, oui, le réseau est basé sur, certains diraient les déchets des autres, mais en même temps, c'est des gens qui avaient encore un beau un gros potentiel. Oui. Exactement. Donc, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Une chance que tu Ben oui, parce qu'au moins, on peut continuer de les écouter. Exactement. Maintenant, on n'est pas fan de cette émission-là tous les deux, mais je sais que ça va faire plaisir à bien des gens. L'intégrale de Goldorak va être diffusée à Télétoon Rétro à partir de cet automne. La chaîne a annoncé le retour à la télé d'une des séries animées les plus convoitées par les amateurs d'animation classique. L'entente de diffusion conclue avec Imavision Distribution comprendra la série intégrale japonaise constituée de 74 épisodes qui sera présentée dès septembre 2013. Goldorak relate l'histoire du prince Actarus et de son robot Goldorak qui se sont enfuis de la planète Euphor en guerre avec les forces de Vega. Il trouve refuge sur Terre chez le professeur Procyon. Qui accueille Actarus comme son fils. Est-ce que je connais ça? Non. Télétoon Rétro diffuse en français et en anglais et d'y joindre plus de 9 millions de foyers canadiens. Ah, quand même, hein? Ça va attirer des gens, ça, je pense. Ben oui, peut-être qu'ils vont avoir du renouveau là-dedans. Hein? Ben, il faudrait, parce que sinon, c'est pas mal tout le temps les mêmes émissions à Télétoon Rétro, les gens. Ouais, exact. Ben, on aime ça, puis j'espère qu'ils vont continuer dans ce créneau-là. Oui. Tu te rappelles dans notre plus récente émission, la numéro 1? Tu te rappelles, on a parlé de Sharknado. Oui. C'était le film de série B sur la chaîne Sci-Fi avec des requins qui sont pris dans une tornade. Ouais. Ça a fait fureur sur les réseaux sociaux. Oui. Et bien, une suite s'en vient. Oh, une suite? Pas très surprenant. Les requins volants croqueront à nouveau de la chair fraîche, nous dit la presse. Oh. La chaîne télévisée Sci-Fi, que je préfère appeler Sci-Fi, a annoncé qu'une suite au film Sharknado prendrait l'affiche en 2014. La diffusion du premier volet de cette production a généré un engouement monstre sur les réseaux sociaux. Cette fois, l'action se déplacera de Los Angeles à New York. On peut encore s'attendre à ce que les squales tombent du ciel et fassent des ravages dans les rues. Aucun autre détail sur le film n'a été dévoilé. Sci-Fi a cependant annoncé que le titre du prochain volet serait décidé par les internautes. Ça va être un concours. Ah, c'est génial, ça! Si on inverse Sharknado, il faudrait dire Tourney Shark. Tourney Shark. On dirait une sorte de lait évaporé, ça c'est Carnage. Non, on va couper ça. Au plus fort de la diffusion, on peut pas? Okay. Au plus fort de la diffusion, le nombre de gazouillis, de tweets par minute frôlait les 5000 sur Twitter, donc c'était très populaire. Par contre, à la télé, un peu moins, un plus petit succès qu'on le pensait, 1,37 million de téléspectateurs. Et toujours dans le même domaine de Sharknado, un autre film de série B s'en vient, et ça va être le 22 août, donc ça s'en vient très très bientôt, un nouveau film Ghost Shark. Encore une fois, on a affaire à des requins affamés de chair humaine, mais cette fois-ci, les humains doivent affronter un requin fantôme qui peut apparaître partout où il y a de l'eau. C'est un fantôme! Même dans votre baignoire. Incroyable. Et bien sûr, des effets spéciaux. Une chance qu'on prend pas de bain. Non, c'est dégueulasse. Tu baignes dans ta propre saleté. Exactement. Vive les douches. Donc, quand le père d'une jeune fille disparaît mystérieusement dans le golfe du Mexique, elle devient obsédée sur le fait de trouver la vérité de sa disparition, mais la jeune fille finit par découvrir que le coupable est non seulement non humain, mais bel et bien le fantôme vengeur d'un grand requin blanc. Maintenant, elle doit réussir à convaincre les autorités locales de croire ses dires et d'identifier l'origine de ce prédateur fantôme. La vedette, intéressant ici, tu vas peut-être te rappeler d'elle, Mackenzie Roseman de Seventh Heaven. Oh, toit pour cette là, très loin. Oui, la toute petite, là! Oui, les cheveux bouclés. Ruth! Ah, Kevin V. Oui! Ouais. Mackenzie Roseman va jouer. Ah, ben là, ça me donne vraiment, vraiment, vraiment le goût d'écouter. On voulait déjà se taper la série des films de série B. Je pense que, voilà, c'est chose faite. Maintenant, parlons un petit peu des Emmy Awards. On n'est pas du genre à patiner trop dans Television, mais la série House of Cards de Netflix est en liste comme meilleure série. Internet a fait irruption pour la première fois aux Emmy Awards, des récompenses de la télé américaine, avec la nomination de la série en ligne House of Cards. même si les programmes du câble et des chaînes des réseaux normaux restent les plus nommés. La série politique House of Cards, amenée par Kevin Spacey dans le rôle d'un élu prêt à tout pour arriver à ses fins, a été produite pour Netflix, un service de location de films par abonnement disponible sur DVD ou en streaming. La compagnie qui a plusieurs séries à son actif avait mis en ligne l'intégralité des 13 épisodes d'un seul coup en février dernier. Kevin Spacey, également producteur de la série, se retrouve par ailleurs nommé dans la catégorie du meilleur acteur, à l'instar de sa partenaire à l'écran Robin Wright et du réalisateur David Fincher, qui a dirigé les deux premiers épisodes. Au total, la série concurrera dans 9 catégories lors de la prochaine cérémonie à Los Angeles le 22 septembre. Et il va falloir se mesurer aux poids lourds du secteur comme American Horror Story Asylum, qui fait la course en tête avec 17 nominations. Ensuite, Game of Thrones avec 16 et Mad Men et Downton Abbey. Et non pas Downtown Abbey, comme tout le monde a tendance à dire, ou écrire dans un article sur la presse. Outre House of Cards, le trophée de la meilleure série dramatique le plus prestigieux sera disputé par Homeland, vainqueur de l'an dernier, Mad Men, quadruple lauréat dans cette catégorie, Breaking Bad, ça c'est Le Chimiste, Downton Abbey et Game of Thrones. Donc 22 septembre, encore une fois, pour les Emmy Awards. On leur souhaite bonne chance. Oui, et Netflix, pour vrai, va falloir s'y mettre, hein, parce que... Ah oui, depuis le début, on le dit, mais... Orange is the New Black, l'émission dans une prison pour femmes. Là. Oui, qu'on a d'ailleurs parlé aussi dans une émission précédente. C'est génial, tout ça. Wow! Maintenant, nouvelle triste, hein, c'est là-dessus qu'on va terminer les nouvelles. Après le décès de Carrie Mulligan, on a parlé un petit peu la semaine passée. Oui, malheureusement. Par drogue. Ouais. Ça a été confirmé que c'était vraiment est-ce que c'était une sorte de drogue en particulier, cocaïne, héroïne, je sais pas pourquoi. Mais bref, c'est à cause de la drogue que Corey Monteith de Glee est décédé. Et là, ben, on dit que la production va être retardée. La production de la populaire télésérie américaine Glee sera retardée en raison du décès de sa vedette, le Canadien Corey Monteith. La chaîne a indiqué que la production commencerait au début du mois d'août et que la nouvelle saison serait diffusée à partir du 26 septembre. Corey est décédé d'une... est décédé d'une surdose d'héroïne, voilà, et d'alcool. Je me rappelais pas de la drogue. Son corps a été retrouvé dans une chambre d'hôtel de Vancouver, on en a déjà parlé. Finn Hudson, le personnage incarné par l'acteur d'Angly, a obtenu son diplôme et a quitté l'école secondaire où se déroule l'action, mais demeure un élément important de l'histoire quand même. Fox n'a pas précisé comment la 5e saison va traiter de la disparition de l'interprète de Finn. Ouais, on avait essayé de se donner des pistes, un peu voir comment on pensait qu'il pourrait arranger ça, mais... Ils n'ont pas le choix de le faire mourir, je pense. Ouais, je pense que ça va être pour le mieux. C'est triste, là, mais... C'est pour semblant qu'il vit encore, là. C'est un petit peu pathétique. Oui, c'est ça. Ça marchera pas... Moi, je pense, en tout cas, apparemment que le délai va comme être genre d'une semaine par rapport à ce qu'il y avait prévu. Là. Je veux dire, fin septembre, c'est là que toutes les saisons commencent aux États-Unis. On sait pas un gros délai. Non, effectivement, mais... Plus de temps pour écrire quelque chose autour de ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien triste, tout ça. Et pour terminer, les codes d'écoute, bien sûr, on commence avec le Québec. On va faire le top 15 à 6. Les galas du Grand Rire 2012, fidèle au poste, qui par gang, prière de ne pas envoyer de fleurs. C'est mauvais, c'est tellement mauvais. C'est pas très bon, non. On a essayé, hein, mais... Hey, je trouvais le concept tellement génial là-bas. Mais oui, le concept est extraordinaire, là. Toutes les semaines, j'attendais que ça commence. C'est malade, là, comme concept, là. C'est juste que... Mal exécuté. Ouais, exactement. J'aurais pas mieux dit. Le TVA Nouvelle, film de filles Cinémax, Massicone numéro 5. Je sais pas si c'est une pub de Super Powell. Vengeance. Ah, Vengeance. Oui, ben. Eh oui. Esprit criminel. Ensuite, en 5e place, Ciné-comédie. À 4e place, Sucré-salé. 3e, TVA Nouvelle. 2e, Roue de fortune. Chez vous, tu me... Tu niaises, ça? Roue de fortune est en deuxième place des codes d'écoute. OK, c'est parce que ça dure 3 minutes puis ça prend une nouvelle. Fait que c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais non, c'est pas une émission. C'est même pas une vraie émission, effectivement. TVA fait juste dire, genre, on a une émission de plus dans le top 15. Mais c'est pas une... Ah, c'est ça. Puis en plus, c'est même pas une vraie émission. Là. C'est juste pour tourner une roue. Tourner une roue, puis avoir de l'argent. Et après, j'adore ça. Première place, les chefs, le lundi, à Radio-Canada. Sérieusement, quel top de... aux États-Unis maintenant, très très bon top 15, allons-y, avec Two and a Half Men, bon, ça c'est pas mon genre, America's Got Talent, Big Bang Theory, Hell's Kitchen, les nouvelles de CTV, America's Got Talent, Big Brother 15 du jeudi, Rookie Blue, NCIS, Big Brother du dimanche, en 5e place, Big Brother du mercredi, en 4e, les nouvelles de CTV, en 3e, The Big Bang Theory du jeudi soir, en 2e, Masterchef à CTV, et en 1er, ah ça, j'ai téléchargé, je me suis abonné à Netflix et j'ai... c'est beau comment tu essaies de t'en sortir, hein? C'est beau. Dis donc la vérité, là. Je me suis procuré, en guillemets. Voilà. Under the Dome, les 4 premiers épisodes. Stephen King, tu te rappelles, on en a parlé un petit peu. Les gens sont emboîtés dans un genre de dôme, qu'on pourrait dire. Ouais. En dessous d'un dôme. C'est très bien. Ouais. C'est sur Global et lundi soir à 22h. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. Donc, voilà. Pour les codes d'écoute. Et c'est tout pour Télévision. C'est déjà fini. On retourne en musique, entendre encore un petit peu de chiptune. Oh, on s'entend. Oh non! Et que la vie est difficile. Et là. On s'en va entendre. C'est Slam Dunk Lifestyle par Knife City. C'est du chiptune dubstep style. C'est par Knife City, qui est aussi connu sous le nom de Luke Silas, qu'on connaît de Anna Managuchi. Oh! Qui est? Ceux qui font la chanson thème du Mathieu Plamchon. Oh! Ah, ben, ils m'ont peut-être donné une petite chance. Tu sais, pour une chanson que t'étais pas sûr d'aimer, tu commences à l'aimer. Donc voilà, on écoute ça. Knife City, Slam Dunk Lifestyle. Oh, Mathieu Plamchon. Mathieu Plamchon. Ben, c'était pas si pire que ça, finalement. Oui. Mais peut-être une petite porte qui se rouvre, là. Le chiptune, tu commences à... Peut-être. On fait les portes à corrompre. Restez là après la pause, la chronique Geek Cynix. On m'a suivi plein de choses sur C'est fou. Yeah! Vous êtes toujours Mathieu Plante Show avec Marie-Ève Picard et Mathieu Plante. Et on continue tout de suite avec la chronique geek Cynix. Wow, Marie-Ève, Colin, pareil comme toujours. Eh oui, encore une fois, je me surpasse là, d'émission en émission là, à mon doux Seigneur. Une vraie, comment dire, une surdouée. Ah oui. Donc, Colin Geek CNX, commençons avec les nouvelles technologiques de la semaine, le petit bloc de nouvelles, là, finalement. Une femme d'origine chinoise a trouvé la mort, malheureusement, récemment, en tentant de répondre à son téléphone alors que celui-ci était en train de se recharger. Hein? Ouais. Selon ce que rapporte Reuters, la victime aurait subi une électrocution mortelle causée par son iPhone 5 alors que le cordon de ce dernier était branché. Ma Ailun, hôtesse de l'air pour la China Southern Airlines, était âgée de 23 ans. La sœur de la victime a partagé la nouvelle sur le service de microblogging Sina Weibo en invitant les propriétaires d'iPhone 5 à être prudents. Le courant électrique de la majorité des téléphones mobiles est limité entre 3 et 5 volts. Par contre, si un problème subsiste au niveau du chargeur ou du circuit comme un fil brisé, la défaillance peut conduire à un choc de 220 volts, a déclaré un professeur de physique d'une école secondaire de la ville de Nanjing dans les médias chinois. En 2010, un homme d'origine chinoise avait trouvé la mort par électrocution alors que celui-ci s'apprêtait à faire un appel avec un appareil connecté à un chargeur non approuvé par la fabricante du téléphone. C'est ce qu'on a appris par la suite. Oh, OK! C'était pas un vrai chargeur. C'était pas le chargeur, le vrai chargeur du iPhone. La sœur de la fille avait dit qu'elle utilisait que des affaires à Apple. Oui. Mais en Chine, il y a beaucoup de magasins, genre de contrefaçon qui ressemblent à des Apple Store. Tu rentres là, t'as des appareils qui ressemblent à des iPhones, à des MacBooks. Puis finalement, c'est pas un vrai, ça. C'est de la fausse représentation. Chercher des photos sur Internet, ça vaut la peine. Ben voyons donc, puis il y a personne qui a arrêté ça. Ben non, c'est le marché noir, le marché gris ou peu importe. Donc, ça va vraiment pas bien en Chine. Pour vrai, les DVD, c'est la même chose. Là. Tout est contrefait là-bas, il y a rien. Aïe, aïe, aïe. Il y a plein de choses vraies, mais en tout cas, c'est très, très commun, le marché noir. Et puis, cet article-là vient de grandchezvous.com. Et puis, pour vrai, c'est vraiment déprimant. Oui. On ne mentionne pas nulle part, mais selon ce que j'ai lu dans les premiers articles, je sais pas si ça a changé. Mais la fille sortait du bain, donc... OK, oh, en bain, plus? Elle voulait répondre à son téléphone. Ouais, elle s'est dépêchée, blablabla, pogné un choc. Ouais. Ça finit mal, mettons. Ben, un peu, hein. Il n'y a pas rien qui pourrait finir plus mal que ça. Tiens, peut-être que ça aurait été différent si elle avait pu recharger son téléphone avec son urine. Oh! Ah! Avec son urine! Imagine le choc, si tu par ton urine. Recharger son téléphone portable grâce à l'urine est possible, assure une équipe de chercheurs britanniques qui dit avoir réussi à cette première mondiale. Ben voyons donc. Les scientifiques affirment avoir suffisamment d'électricité, produit suffisamment d'électricité pour pouvoir envoyer des textos, surfer sur Internet et passer un bref coup de fil sur un article publié dans la revue Physical Chemistry Chemical Physics. Ils espèrent désormais développer la technologie reposant sur des piles à combustible microbienne pour permettre de charger complètement un téléphone portable. La technologie des piles à combustible microbienne permet de produire de l'électricité directement par la dégradation de matière organique, ouvrant la voie à une exploitation de combustible à très bas coût, voire même gratuit. L'urine permet de stimuler les microbes qui génèrent en conséquence davantage d'électricité. Et le chercheur pense même qu'à l'avenir, on pourra faire fonctionner des salles de bain au complet grâce à l'urine, de la douche aux prises rasoir en passant par l'éclairage. Ben voyons donc! C'est pas génial. C'est une méga découverte, là, t'imagines? Ben oui! C'est comme une centrale électrique. Ben tout à fait, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas aux toilettes, là, bon, tu vas mettre ton petit bol dans la toilette et tu vas faire pipi, puis là, ça va tout ça va générer de l'électricité! C'est ça! Une centrale électrique dans ta toilette. Ah ben, moi, puis un compacteur à déchets dans mon poubelle. Eh oui! Ensuite, parlons du pape. Préféré. Ah oui? Ah, OK. Oui, vas-y. Voulant moderniser ses pratiques, le Vatican a annoncé son intention d'accorder des indulgences aux abonnés du pape François sur Twitter. Ben non! Selon la doctrine catholique, un pêcheur, c'est un pêcheur, là. Un pêcheur. Qui a fait des pêchés. Oui, c'est ça, voilà. Quelque chose de pas correct, que non, pas avec une ligne à pêche. S'étant confessé, n'est pas exempté de sa peine, qui se traduit généralement par un temps de purgatoire. Cependant, la durée peut être réduite ou éliminée par des indulgences attribuées par l'Église. Les participants aux Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront la semaine prochaine, ou je crois que c'est cette semaine à Rio, peuvent... Est-ce que c'est quand, ça? C'est cette semaine. C'est la semaine du 22. Donc, peuvent obtenir des indulgences pourvu qu'ils y soient dans un esprit de pèlerinage. Ce même droit est maintenant attribué aux croyants qui ne peuvent pas se rendre au Brésil si ces derniers suivent les événements par le biais des réseaux sociaux. Faut être au courant de ce qui se passe. Mais l'archevêque Claudio Maria Celi avise les internautes croyants que l'accès au paradis n'est pas à quelques clics de souris. Et je cite, « On n'obtient pas d'indulgence comme on obtient un café dans une machine distributrice. Pour se voir attribuer des indulgences, le croyant doit suivre les événements en direct à la télé, à la radio ou sur les réseaux sociaux. Outre son compte Twitter, le Vatican a lancé un portail d'actualité soutenu par une application mobile, une page Facebook et serait sur le point de joindre Pinterest. Aïe. Il remonte Instagram, tu sais, mais oui. Des selfies du pape. Ben oui. Il se prend lui-même. Ben oui, c'est ça. Ils veulent vraiment se mettre très, très, très à jour pour les jeunes, pour les journées mondiales des jeunes du monde. Quasiment trop à jour. Un peu, oui. D'après moi, c'est bon, non. Est-ce qu'on peut faire ça longtemps? Oui. Pas sûr. Ah oui, OK, on essaie. Okay. Un utilisateur américain du site paypal.com est devenu pendant quelques minutes l'homme le plus riche du monde. Après le pape, là, c'était lui. Le pape est riche. Lorsque le service de paiement en ligne a accidentellement versé une somme colossale sur son compte. 92, suivi de 3, 1, 2, 3, 4, 5 groupes de 3 chiffres chaque. Okay? What? Donc, c'est la somme incroyable que Christopher Reynolds, un Américain de Pennsylvanie, a découvert sur son compte PayPal. 92 millions de milliards, ou ce qu'on appelle plus communément 92 trillions de dollars. Ben voyons donc! Faisant de cet attaché de presse, adepte de la vente sur eBay, l'homme le plus riche du monde. Ah, yoï! Excuse-moi, ils lui ont envoyé après ça un email, ils l'ont appelé, puis ils lui ont dit « Dépasse pas cet argent-là, on s'en va le reprendre » ou... C'est juste disparu. Au complet. OK, fait qu'il l'a vu, c'est disparu. C'était bel et bien une erreur rapidement détectée et rectifiée par PayPal. Christopher Reynolds n'a pas été dupe en découvrant ce montant exorbitant sur son compte. Mais non, c'est sûr, là. Tu te dis, il y a quelque chose qui marche pas, là. Je sais pas, tu sais, à moins que j'ai vraiment été. J'ai repéré une belle affaire sur. Ouais, quand sur même, eBay, là. Mais. Rapidement, son compte a été remis à la normale, affichant 0$. La société qui appartient à eBay a précisé qu'elle allait faire un don d'une somme non précisée à l'organisme de charité que choisira l'ex-homme le plus riche du monde. Ah, ben c'est bien. C'est bonne chose parce qu'ils n'ont pas à faire ça, c'est juste une erreur. Ben non, c'est ça. Il aurait pu juste faire comme ben c'est notre erreur, on fait d'autres choses puis on passe à d'autres choses. C'est comme tu sais, quand on entend parler de quelqu'un qui a trouvé l'argent et que quelqu'un avait perdu dans un taxi ou un autobus, là, la personne n'est pas obligée de te donner une récompense. Ben non, c'est ça. Mais bravo. Oui, bravo. C'est bien gentil. Un chercheur londonien a mis au point un bistouri intelligent capable de détecter immédiatement si une tumeur prélevée durant une opération est maligne. Un appareil qui pourrait grandement aider lors d'opérations complexes, nous dit Cubic.com. Développé par Zoltan Takat de l'Imperial College de Londres, ce bistouri qui porte le nom de iKnife pourrait réduire la durée des opérations d'ablation de tumeurs. À l'heure actuelle, les chirurgiens doivent enlever la tumeur puis l'envoyer à un laboratoire qui analyse le tissu pour savoir si la protubérance est bénigne ou maligne. La procédure dure une trentaine de minutes durant laquelle l'opération est suspendue. Avec l'iKnife, le passage au laboratoire n'apparaît plus comme nécessaire car le bistouri est lui-même capable de faire l'analyse. Basé sur le principe de l'électrochirurgie, l'appareil chauffe les tissus lors des incisions pour cautériser immédiatement et limiter la perte de sang. Le procédé crée une fumée chargée d'indicateurs biologiques et c'est cette fumée-là que le iKnife analyse à l'aide d'un spectromètre de masse auquel il est relié. Il faut environ 3 secondes au bistouri pour déterminer si le tissu est sain ou cancéreux, qui est un gain de temps considérable si on compare la démarche à la procédure traditionnelle. C'était testé sur 91 patients avec succès puisque les analyses se sont révélées fiables à chaque fois. Wow! 100% du temps. Hey, c'est rare, ça? Ça va très bien. Okay, ben, ils ont vraiment mis le doigt dans le mille, hein, sur comme le on bobo. Dit. Oui! Donc non, vraiment une très bonne nouvelle, ça va faire avancer encore ben une oui, fois. Oui, hey, bravo! Ensuite, une autre avancée technologique qui pourrait plaire, c'est le Royaume-Uni qui devrait emboîter le pas aux États-Unis et procéder à des premiers tests pour l'évaluation des voitures autonomes sans conducteur. Oui. L'industrie automobile continue ses efforts sur la prochaine génération de voitures à pilotage automatique. Et le ministère des Transports outre-Manche donc souhaite... ça, c'est en Amérique. Non, pas en Amérique, en Europe, pardon. Ouais, on a dit au Royaume-Uni. Bon. C'est ça, qui souhaite s'y intéresser de plus près. Ces véhicules sont notamment perçus comme une manière de désengorger les routes, une initiative pour laquelle le pays se dit prêt à investir jusqu'à 28 milliards de livres sterling. Les voitures actuellement développées par Google ou Ford sont équipées de caméras vidéo, de capteurs sensoriels ainsi que d'un télémètre laser pour analyser l'état du trafic routier. Le mécanisme semi-automatique ne nécessite pas de pilote. À l'instar des premiers essais effectués par Google, ces voitures seront testées sur des voies peu fréquentées avec un passager capable de prendre le volant si jamais il y a besoin de le faire quand même. Oui, parce que j'aurais peur de laisser ça juste comme ça. Là. Ça boit de la technologie, mais... Tu te dépasses, il n'y a personne dans la voiture. Oui, c'est ça. Puis là, tu fais l'accident dedans parce que tu es trop surpris. C'est ça. Bye. Exact. Il faudrait qu'ils mettent une poupée gonflable. Non, ça serait aussi pire, je pense. Tu trouverais pas ça drôle, toi, de te faire dépasser par une poupée gonflable? Facilement déconcentré, moi, tu me mets une poupée gonflable à côté puis je fais comme « Oh, cool, dans ma belle. Selon BBC, qui rapporte l'information, cette initiative sera prise en charge par les chercheurs de l'Université d'Oxford, lesquels ont déjà adapté la technologie sur des modèles fabriqués par Nissan. Un étudiant de 22 ans a écopé d'un an de prison pour avoir truqué l'élection du président du corps étudiant de la California State University San Marcos. Quoi? Oui, c'est comme les élections de l'AGE, tu sais. Oh, truqué mon par Dieu! Un gars. Hey. Non, c'est pas vrai du tout. Il a subtilisé les identifiants et mots de passe de 745 étudiants du campus. Eeeh. Autant de gens qui votent aux élections de l'AGE que ça. Ben oui! Hey. 10%. Aux États-Unis, on ne plaisante pas avec la fraude dans le cas d'élection par vote électronique. Un étudiant de 22 ans a effectivement été condamné à un an de prison pour avoir truqué les élections au sein de la California State University San Marcos. En lice pour devenir le représentant des étudiants, le jeune homme a volé les identifiants et mots de passe de plus de 700 étudiants de son campus afin de gonfler les votes en faveur de son propre poste. Matthew Weaver a donc plaidé coupable en mars dernier de fraude électronique, accès non autorisé à un ordinateur et usurpation d'identité. Il a admis avoir utilisé de petits appareils électroniques ou des keyloggers matériels. C'est comme une affaire que tu branches dans l'ordinateur puis ça emmagasine toute l'information. Permettant d'enregistrer les frappes pour subtiliser 745 mots de passe, il a confirmé avoir attribué sa liste à sa liste quelques 630 voix via cette méthode. Hey, elle avait pas beaucoup de voix d'abord. Hey, pas tant. Hein? D'après moi, il aurait pas gagné sinon. Non. Il croyait pas vraiment en lui. Hein? Hey. Ben bravo pour ton poste, probablement. Et ensuite, ben oui, c'est ça. Ils l'ont laissé faire, puis c'est le président depuis. Non, c'est pas vrai. Je trouve ça, c'est pathétique un peu de sa part. Un peu, hein. Ouais. Faut vraiment que t'aies aucune confiance en toi ou que t'aies aucune chance de gagner. Ouais. Le groupe internet américain Google a commencé à approcher de grands médias pour leur proposer de commercialiser leur contenu sous licence par le biais d'un service de télévision internet par streaming. Ce service diffuserait en flux, donc des programmes télévisés selon des sources proches du dossier. Si Google va de l'avant avec ce projet, il rejoindrait d'autres entreprises qui envisagent de lancer de tels services regroupant des programmes existants. Par exemple, le géant de semi-conducteurs Intel, le groupe de médias japonais Sony, il travaille déjà sur une offre similaire. Il y a aussi Apple qui a lancé plusieurs idées de commercialisation sous licence d'émissions de télé à des entreprises de médias ces dernières années, oui. De tels services de télévision par Internet pourraient avoir un impact important sur les télévisions traditionnelles, générant de nouveaux concurrents pour les services câblés payants qui sont déjà confrontés à la concurrence de la vente de vidéos par Internet. Des sociétés comme Netflix, Hulu ou Amazon offrent des programmes à la demande, mais les projets de télévision par Internet en continu, comme celui de Google, envisagent une offre de programmes traditionnels permettant aux internautes de surfer, de zapper vraiment. Google a commencé à présenter son projet au groupe de médias, mais il n'est pas certain qu'il parvienne à des accords de diffusion sous licence, mais quand même que c'est une belle idée. Oui, tout à fait. C'est même Google qui présente Google Fiber, qui est un service d'Internet par fibre optique aux États-Unis, au Texas, genre, okay. Dans des petites villes en test. Puis t'as des vitesses hallucinantes. Oui. Puis on attend tellement ça. Là. Il va falloir attendre longtemps parce que même Bell par fibre optique, c'est même pas arrivé à Trois-Rivières. Ouais. Je vais sur le site à tous les mois puis c'est jamais proche d'arriver. Un jour. Faut pas désespérer. Non, faut continuer de croiser les doigts. Mais oui. On parle toujours de Google avec la construction de la tour Eiffel qui a fait la visite virtuelle de cette même tour Eiffel. La tour qui a attiré plus de 250 millions de visiteurs depuis sa construction en 1889. Chiffre qui risque de grimper de manière exponentielle, nous dit branchezvous.com avec la mise en ligne d'une visite virtuelle gracieuse de Google. Dans le cadre de cette initiative du Google Cultural Institute, qui a pour vocation de préserver et de promouvoir la culture en ligne, le géant de la recherche en ligne propose une soixantaine de documents racontant l'histoire de la célèbre tour. Les internautes sont également invités à visiter trois expositions visuelles. Tu as la naissance de la Tour Eiffel, l'inauguration, les premiers visiteurs et la construction de la Tour Eiffel. Finalement, les techniciens de Google ont emprunté la même technologie que celle qu'ils utilisent pour photographier les routes de la planète là, avec Street View afin de réaliser une visite virtuelle. Malheureusement, les photos ont été prises par temps gris, donc c'est un petit peu déprimant de voir les photos grises. Oh non! Si vous êtes curieux, l'adresse à visiter, c'est google.com/Cultural Institute et là-dedans, il y a la collection Tour Eiffel. Mais c'est vraiment génial, là! Il faut aller voir ça. Passez par assemblagerequis.com si jamais vous ne trouvez pas. Là, mais nous ici, par exemple, mettons, si on clique sur inauguration et premier, tu vois les gens, oh, là, tu peux ben oui. Visiter avec le clavier, les photos. Ah, c'est vraiment génial! Ça coûte bien moins cher que d'aller là-bas. Ben oui. Mais... pas d'excuse, par exemple. Non, un jour, c'est dans les projets... à long terme. Ouais, c'est ça. La société allemande Twinkind propose, moyennant un passage dans ses studios et une somme allant de 305 à 1 755 $ c'est cher, d'imprimer une figurine de 15 à 35 cm de haut en 3D à ton effigie. Déjà petite pour être encore plus petite. Oui! Hey, il faut qu'on se fasse des petites figurines! T'as-tu 1 800$ à me passer? C'est déjà ce que t'as fait. Je te fais déjà un chèque. La procédure exige que le client fasse une réservation afin de venir dans les studios de Twin Kind à Hambourg. Donc, un petit voyage, un petit road trip. Oh, en plus! Hey, non, mais c'est un deux pour un, là. C'est ça, c'est une aubaine. Ben c'est, oui. Comment dire, c'est wow. Notre destinée. Et voilà. Afin de subir un scanner 3D complet, le tout est ensuite imprimé en 3D et en couleur à l'aide d'une poudre composite. Le processus demandera de 2 à 5 semaines selon la complexité de la demande et le nombre de commandes en préparation. Le concept fonctionne pour tous, donc enfants ou adultes, quelle que soit sa tenue. Il existe même une offre dédiée aux animaux de compagnie. Oh! Oh, on pourrait se créer une petite mascotte aussi. Oh, une petite geisha. Une petite geisha, moi, je sais pas. Les exemples de réalisation publiés sur le site de la société sont assez impressionnants. Le projet est encore à ses balbutiements et les réservations ne sont toujours pas ouvertes. Allez voir sur twinkind.com, twinkind.com, l'article vient de la presse. Toujours dans le domaine du 3D, bientôt des places de marché dédiées à l'impression en 3D. C'est eBay qui fait un pas de, dans ce sens-là, en lançant l'application mobile eBay Exact qui permet de commander des objets imprimés en 3D chez trois partenaires, dont la compagnie française Sculpteo. Objet de nombreuses attentions, le marché d'impression 3D suscite sans surprise l'attention des spécialistes du commerce électronique qui y voient une possible extension de leur place de marché. L'américain eBay est du nombre avec sa nouvelle application mobile exclusivement disponible sur iOS, donc iPhone, etc. Il se positionne en effet comme un intermédiaire entre le particulier qui souhaite acheter un objet personnalisé en 3D et les spécialistes du genre. L'application eBay Exact permet de consulter un catalogue d'objets génériques, dont des bagues, des cases pour un téléphone, une montre, produits et modifiés de façon à correspondre aux attentes de l'internaute par trois spécialistes du genre, l'américaine MakerBot, la française Sculpteo et la canadienne Hot Pot Factory. Passée par l'intermédiaire de l'application, la commande sera réglée via PayPal, puis transmise au partenaire, évidemment PayPal qui est une filiale d'eBay. Ils vont fabriquer et expédier directement l'objet désiré au consommateur et eBay évoque des prix allant de 9$ pour une coque iPhone, un case, à 350$ pour une bague en métal personnalisée par Sculpteo. L'application eBay Exact est déjà disponible sur le App Store d'Apple. Bonne chose, ça. Imagine, là, tu te fais un petit case, marquer ton nom dessus. C'est génial, mais oui. Une bague. Hey, toi, comme ça, les cases, là? Ouais, je tripe trop case, hein. J'en ai combien, 10? Un peu, hein? 12, bientôt. OK, je vais te faire un case, puis toi, tu vas me faire une bague. Ah, OK, ouais. Wow, hey! Pas la même gamme de prix. Non, pas grave, ça. Bon, voilà pour le bloc CNX de nouvelles. On continue avec CNX édition. Wow! What? Web! Donc, on fait le tour du net. Et commençons avec les interfaces. Les interfaces dans les films. Tu sais, dans les films, les producteurs, ils s'arrangent pas pour que les interfaces d'ordinateur soient réelles. Ils vont pas prendre... c'est Windows puis macOS, là, parce qu'ils payent les droits. Oh, il faut qu'ils fassent leur propre système. Tout ce qu'ils veulent, c'est pas que, soit, que ça ait l'air de vraiment marcher, mais plutôt que ce soit cool, beau et futuriste. T'sais. Donc, il y a un blog, un serveur avec 1200 captures d'écran d'interface d'utilisateurs dans des films. C'est vraiment cool. Wow, c'est dans mes hop. Lien donc, que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. Donc, c'est vraiment, c'est pas une page avec des photos que vous pouvez cliquer dessus, c'est juste des liens. T'sais. Donc, tu cliques sur le lien et ça te montre bon, dans telle ou telle affaire ce que c'était. J'imagine, c'est pas beau. Si OK, non, attends, je pense qu'il y a une date en face aussi. Attends un peu. Ah, ça veut pas, hein? Pourquoi ça veut pas? Bref, allez voir sur assemblagerequis.com, le lien est là. Ça dit pas dans quel film c'était, par contre, c'est ce que j'aurais aimé savoir. J'aurais aimé qu'on me dise. Ouais, j'avoue. Il aurait pu dire c'était dans quel film. Après ça, tu sais, tu vas voir le film, puis tu te dis ah, moi j'ai vu comment c'est fait, c'est pas vrai. Mais tu sais, par rapport à comment les photos s'appellent, je pense qu'il y a un sous-dossier Alien. Ah oui? Ouais, c'est ça. Donc, il y a des sous-dossiers, mais je pense que le gars est encore en train de faire le ménage. Tu sais, ça commence par Die Hard, là. Je pense que c'est dans Die Hard. On peut comme deviner. Faire le lien, ouais. Donc, sur assemblagerequis.com, c'est là que vous trouvez le lien. Il y a une application pour iPhone et autres appareils Apple, DecoScan, qui vous permet de changer de vrais objets dans la vraie vie en bonhomme dans Minecraft. C'est magnifique. C'est beau, on parlait de 8 bits tantôt. C'est magnifique. C'est très beau. Donc, c'est développé par une compagnie de San Francisco, Deco. On scanne les objets avec l'application qui fonctionne sur iPad 2 et plus récent, iPhone 4S, etc. Donc, ça va mapper l'objet et ça va changer ça en bloc dans Minecraft. Là, pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, cherchez un petit peu sur Google. C'est vraiment très, très beau comme jeu. On peut sauvegarder ça dans notre propre dossier de jeu et même l'utiliser dans le jeu Minecraft. Donc, c'est très, très cool. Et puis, il y a certaines limites à l'application, là, contrairement à une caméra de Kinect, là, la caméra de l'iPhone, c'est juste une caméra, donc tu peux pas prendre plusieurs angles en même temps, donc peut-être que ce sera pas exactement fidèle, mais ça va être pas mal proche de la réalité. L'application devrait être disponible bientôt sur le iTunes App Store. Wow! Ensuite, un remake du premier Mario Brothers, mais pour la Atari 2600. Tu sais, on parlait tantôt de la NES, là, qui était super vieille. Atari 2600, c'était bien avant ça. Bien avant, oui. C'est vraiment très, très basic. Oui, en effet. En tout cas, bref, on peut entendre la vidéo sur assemblagerequis.com. Je peux pas vous la faire jouer en ce moment. Donc, c'est du matériel qui date de de 1977 qu'on a utilisé pour faire ce jeu-là. C'est Chris Spry de Portland, en Oregon, qui a refait ce jeu-là, et ça s'appelle Princess Rescue. On peut commander la vraie cassette sur le site Atari Age. Si vous avez des Atari 2600, ils fabriquent la cassette. Cool! C'est génial. Donc, ça coûte environ 30$ avec le manuel de 16 pages. En couleur, en plus, le manuel. Tout ça fait à la rétro, à la vraie, à la façon de l'Atari 2600. Wow! Ensuite, en collaboration avec Microsoft Research Asia et l'Institute of Computing Technology at the Chinese Academy of Sciences, les chercheurs ont testé comment utiliser la Kinect de Microsoft pour reconnaître le langage des signes. Hein? Donc, selon le site Inside Microsoft Research, c'est comme le speech recognition ou les trucs qui vont transcrire ce que tu dis dans le document de texte. Donc, le système a ce qu'on appelle un translation mode qui traduit le langage des signes en texte ou en parler. Et puis, comprend le langage des signes américain et le langage, est-ce que c'était chinois, c'est exactement ça. Ça permet à une personne sourde ou qui a de la difficulté à entendre de communiquer avec une personne qui peut entendre. Donc, on entend dans la vidéo où on voit en ce moment la fille faire des signes et les symboles apparaissent par-dessus à l'écran et l'ordinateur analyse ce qui est dit et va répéter en voix ce qui est dit. Comme là, boisson chaude ou boisson froide. C'est vraiment génial. C'est avec la Kinect, je trouve que c'est une superbe avancée. Ben oui, tout à fait. Encore une fois, mon Dieu, c'est une grosse semaine. Oui, pour la révolution. Pour la révolution geek, oui! Vive la révolution! Yeah! Maintenant, tu sais, on a toujours de la misère à rencontrer quelqu'un dans la rue et devoir lui parler. Tu sais, bon, tu crois quelqu'un, à se mettre à parler, « Ah ouais, ben, il fait beau dehors, hein, puis quoi de neuf? » Si quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, tu sais pas ce qu'il a fait. Il y a une application qui s'appelle Refresh qui te permet de te renseigner sur la personne. Donc, à la place de parler de météo, ben, tu vas pouvoir en apprendre plus. Par exemple, ça va scanner ses médias sociaux. C'est une application sur iPhone. Donc, ça va chercher ses anciens emplois, ce qu'elle a accompli dans la vie, ses intérêts, les voyages qu'elle a fait. Tu vas pouvoir avoir quelque chose à lui dire. Ouais, mais là, attends une minute. Ça veut dire que là, tu rencontres la personne dans la rue. Là, tu dis, attends une minute, je vais ouvrir mon application Refresh et je vais regarder ce qui se passe dans ta vie. Je te reviens dans 5 minutes. J'imagine quelqu'un, mettons, tu croises quelqu'un, la personne te demande, veux-tu aller prendre un café? Oui, puis là, tu t'en vas aux toilettes, tu lis ton iPhone Refresh. Ouais. Puis comment s'est passé ton voyage? Ah oui, ben là, dans ce sens-là, oui. Ça, c'est la seule façon que je vois, là, mais pas dans la rue, là, parce que tu veux pas genre juste dire, attends un peu, je vais regarder mon téléphone 2-3 secondes, j'ai un appel. Non, puis tu sais, je veux dire, quand tu rencontres quelqu'un, juste le moment inconfortable dire quoi de neuf? Pas grand chose ou plein de choses. Ouais, c'est ça, mais j'ai comme pas le temps de te raconter ça. Là, au moins, ça finit par finir rapidement. Ouais. Tu veux pas avoir à continuer le malaise en essayant de trouver de quoi dire. Ben, c'est bon, là, mais... Tu peux t'inscrire sur le site de Refresh au refresh.io. Ça va être connecté par ton compte LinkedIn. Ensuite, ça c'est vraiment le fun, c'est l'artiste Philippe Romano qui permet aux gens de dessiner sur sa voiture. En fait, il a peinturé sa voiture avec ce qu'on retrouve, mettons... sur un tableau. Tu sais, la peinture qu'on voit dans les bars, des fois, là. Oui. Tu sais, qui peinture les toilettes, qu'on peut s'écrire à craie. Il l'a fait sur sa voiture. Donc, c'est une 2004 Hyundai. Des galons de peinture tableau ont été mis là-dessus. Et puis, sur sa plaque, à l'avant, ça dit, genre, dessine-moi dessus, draw on me. Et les gens peuvent dessiner des affaires sur sa voiture. Hey, c'est cute. C'est le fun. Hein, oui. Ensuite, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, j'aimais dans le temps, on en voit plus bien à Trois-Rivières, mais des arcades. C'est cool, les arcades. Oui, des petites arcades. Oh, j'adore ça. Si vous aimez l'idée de jouer à des jeux d'arcade et que vous voulez vous en acheter une parce que, premièrement, ça s'achète et, deuxièmement, les gens en achètent et les mettent dans leur garage. C'est oui, mais cool. Ça doit être cher en tabarouette. C'est pas si cher que ça. Mais il y a un nouveau. Premièrement, on peut fabriquer soi-même une arcade avec une machine même dedans qui va pouvoir nous permettre de jouer à plusieurs jeux. Mais si vous voulez, à la place, avoir la vraie machine avec les vrais contrôles, parce que chaque machine d'arcade avait son propre, tu sais, peut-être un ou deux joysticks, trois ou quatre ou cinq boutons, tu sais. Oui. Donc, c'est un nouveau service de location d'arcade, un peu comme Netflix ou Gamefly pour les jeux vidéo. Mais à la place, c'est pour les arcades. Donc, ça commence à San Francisco. Ça s'appelle All You Can Arcade. Et puis, ils vont livrer la machine d'arcade chez toi pour un frais de $75 par mois. Tu peux échanger quand tu veux. On peut garder un, deux ou trois jeux à la fois. Et ça va te dire, le site va te dire par rapport à ta géolocalisation quelle machine est disponible où. Et puis, ça va dire comment procéder et tout ça. Et ça charge aucun frais de livraison, aucun frais de ramassage quand ils viennent chercher la machine pour l'amener ailleurs. Les propriétaires de machines d'arcade sont ceux qui vont, dans le fond, louer leur machine pour que tu puisses la prendre. Ils vont garder 75% des frais de location pour couvrir le coût de la machine et d'autres affaires comme ça. Donc, c'est vraiment comme un service genre... d'entremetteur, si on veut, entre les gens qui veulent louer leur machine parce qu'ils en ont pas besoin en tout temps. Et les gens qui veulent cette machine-là par la même période, tu sais. Ben oui, c'est une bonne idée. C'est génial. Donc, ça va être à San Francisco et Sacramento en Californie. On espère aller plus loin après ça. C'est un marché très, très de niche, les arcades. Ouais. C'est pas pour tout le monde. Ça pourrait ne pas marcher du tout. Ouais, c'est difficile à dire, oui. C'est tellement cool. Ouais. Mais l'idée est là, puis elle est très bonne. On va espérer que ça marche. C'est allyoucanarcade.com. Ensuite, tu connais Instagram, l'application de photos. Là. Bien sûr. Bon, le service. Bref, après avoir introduit une nouvelle fonction vidéo à leur application le mois dernier, on s'en rappelle, ça fait le tour sur tous les médias sociaux. Bref, ils vont rentabiliser leur travail avec la publicité. C'est assez évident. Et maintenant, le film basé sur la vie de Steve Jobs avec Ashton Kutcher, qui s'en vient au cinéma bientôt. La compagnie vient de divulguer sa toute première bande-annonce Instagram. Donc, il présente la bande-annonce en 15 secondes sur le service vidéo d'Instagram. Ah, malade. Donc, c'est un film qui s'appelle Jobs, et on va suivre le grand Manitou d'Apple, de l'abandon de ses études universitaires au formidable succès de sa société, à l'ascension de Steve Jobs, co-créateur d'Apple Inc., l'un des entrepreneurs les plus créatifs et respectés du 21e siècle. Steve Jobs est mort en 2011, on s'en rappelle, après un long combat contre le cancer du pancréas. La bande-annonce est assez rapide parce qu'elle doit entrer dans les 15 secondes maximum. Les analystes de l'industrie prédisent que les publicités de cette sorte font partie intégrante du service Instagram. Raison de plus de ne pas y aller. Ça appartient à Facebook. Raison plus de détester Facebook. Alors que ces deux réseaux sociaux essaient de monétariser leurs utilisateurs. Quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ouais. Toujours dans le domaine de Instagram, Star Wars a été uploadé ou téléversé en tant que clip de 15 secondes et le film au grand complet. Pas au grand complet encore parce que ça a été retiré avant qu'il se rende à la fin. Donc c'est quelqu'un qui a pris le classique Star Wars de 77 en tranche de 15 secondes à partir de la fin. Okay. Pour que quand tu vas les regarder à partir du haut du feed, tu vas pouvoir le revoir en ordre. Ah. Parce que le plus récent apparaît tout le temps en haut. Oui. Bon. Fait que j'ai commencé par la fin. Et puis, c'est ça, ben, ça a été enlevé, évidemment. Oh. Parce qu'on dirait qu'ils sont pas capables de comprendre que ça fait de la publicité pour le film. Là. Mais oui. C'est pas comme si ça nuisait aux ventes de Blu-rays. Mais non, pas partout. En tout cas. Oh, dommage. Très dommage. Rapidement, celui-là, c'est Nicolas Cage dans le rôle de chaque princesse Disney. Donc, c'est déjà très drôle. C'était déjà juste allez-y, dire ça, allez-y assez, voir sur le site. C'est vraiment drôle. C'est sur assemblagerequis.com. Le lien est via BuzzFeed. Donc, on prend des princesses de Disney dans les films de Disney et puis on met la face de Nicolas Cage en dessin animé dessus. C'est juste très drôle. C'est rien du tout, mais c'est drôle. Et c'est là-dessus qu'on termine le bloc Wow! What? Web! De CNX dans le Mathieu Plante Show. Et tout ce qu'il nous reste à faire pour cette édition en vitesse, comme on le fait à toutes les émissions, c'est comme le dernier petit 5 minutes. On y va avec C'est un fait Tech Edition. Donc, C'est un fait Tech Edition. La chronique paraît comme c'est un fait avec des affaires de technologie. C'est... C'est bien décrit quand même. Très bien. Savais-tu que les deux premiers jeux vidéo à avoir reçu un copyright aux États-Unis étaient Asteroid et Lunar Lander en 1980? Ben non, je savais pas ça. C'est un fait. La technologie du Bluetooth a été inventée en 1994 par des ingénieurs chez Ericsson, une compagnie suédoise. Oh, juste en 1994. C'est récent, quand même. Oui, quand même. Bill Gates a gradué de l'école secondaire en 1973 et a eu 1590 sur 1600 dans son test d'aptitude collégiale. Oh! Pas collégial, mais scolastique. Ouais, ouais. D'ailleurs, Bill Gates, c'est niaiseux, c'est un petit potin. Oh, bon, vas-y. Les enfants de Bill Gates le niaisent parce qu'il est riche, hein. Fait qu'il leur chante la chanson Billionaire de Travis McCoy et Bruno Mars. Oh non, ben non. C'est évidemment la chanson qui dit. Billionaire, you're billionaire. Billy Gates, you're billionaire. J'ai aucune idée, c'est quoi la chanson, j'ai jamais entendu même. Deviens pas chanteur. Non, hein. Le genre de technologie qu'on utilise. En fait, on a parlé de Bluetooth là 2 secondes, à peu près. Oui. Bon. Donc, la technologie du Bluetooth revient à des découvertes de l'armée militaire dans les années 1940. Ah! Eh bien. Eh ben. Au Japon, Sony vend une souris qui est aussi un téléphone pour Skype. Donc, quand le téléphone sonne, t'as juste à prendre ta souris dans les mains. Répondre. Non! Cool! Samsung dépense plus d'argent sur le marketing de ses produits mobiles que Apple, HP, Dell, Microsoft et Coca-Cola ensemble dépensent sur toute la promotion de tous leurs produits. Quand même, hein? Mais ça doit marcher, je sais pas, mais ça me semble que ça se vend. Oui, ça doit, mais quand même. Apple, leur premier iPod, venait avec un petit secret, en fait un jeu qu'on pouvait seulement accéder si on connaissait la bonne combinaison de boutons. Hein? Dans le iPod original. Puis là, ils font plus ça. Non! Ben là, c'est bien plate. Ben oui. Mais à ça, il y a les iPod Touch, toujours des jeux super. Sur les iPod classiques, on pouvait jouer à des jeux aussi dans le temps, mais ils ont enlevé du iTunes Store récemment. Ça fait peut-être 2 ans. Quelque chose comme ça. C'est vague dans ma tête. Les gens passent environ 16% de leur temps sur leur iPhone à utiliser des applications, 19% de leur temps à texter et 17% pardon, du temps à faire des téléphones sur leur iPhone. Il n'aurait pas dû appeler ça iPhone, ça aurait dû être iPlay. iPlay, iNiaise. iNiaise. Le nouveau iNiaise de Apple. En jeu vidéo maintenant, petit bloc, commençons avec Sonic the Hedgehog. Dans le jeu d'arcade de 1990, Rad Mobile, il y a un rafraîchisseur d'air, un air freshener, avec Sonic qui est pendu par le miroir en arrière. C'était en fait la première apparition de Sonic dans un jeu vidéo, et ça, c'était avant la sortie du premier Sonic the Hedgehog en 91. C'est Sonic, c'est le petit bonhomme bleu. Oui, oui. Donc, il était dans ce jeu-là avant même d'être dans son propre jeu. Oh. Il était travaillé dessus, je me rappelle. Oui. Le prototype de la manette, le gamepad sur la Wii U, c'est le gamepad, c'est le gros écran avec des boutons là, oui. que la Wii U utilise. Mm-hmm. En fait, le prototype, c'était 2 Wiimotes normales, les télécommandes normales de la Wii, collées à un écran LCD. Oui, c'est bizarre. C'est joli. La photo est sur assemblagerequis.com. Oui. Ils ont aussi créé un prototype pour un zapper, c'est le fusil de Duck Hunt dans le temps, qui était un écran LCD attaché à un zapper qui était disponible pour la Wii. C'est la bonne franquette jusqu'à temps qu'on fabrique un vrai. Ouais. Et bloc minuscule là-dedans sur... En fait, c'est comme un bloc dans un bloc dans un bloc, si on regarde ça. Donc, un bloc sur Grand Theft Auto dans le bloc c'est un Fatigue Edition. La version allemande de Grand Theft Auto 3 a été très censurée pour pouvoir avoir une cote 16 ans et plus. Donc, on a enlevé le sang, les coups de fusil dans la tête et les amputations. Ça a été tout enlevé. Même si les personnages qui sont pas, qu'on contrôle pas avaient l'air des fois de boiter. Alors qu'il était supposé être amputé, tu sais, mais okay. il marchait comme s'il était amputé, mais dans le fond, dans la version allemande, il n'était pas vraiment amputé, visuellement. Et puis, c'est ça, donc, il n'y a pas d'argent non plus qui tombe à terre quand tu tues des personnages. Il enlève toutes les missions, tu dois tuer plein de gens, un genre de rampage. Finalement, il reste pas grand-chose. Non, tout le plaisir est parti. Toujours dans Grand Theft Auto 3, on voulait mettre un homme sans-abri nommé Darkel dans le jeu. Sa mission était supposément de te faire exploser des bâtisses. Il a été enlevé après les attaques du 11 septembre parce qu'il trouvait que c'était sûrement de mauvais goût de détruire des bâtisses. Oui. Par contre, il est quand même dans le générique et dans le manuel, dans le générique du manuel d'instruction du jeu. Et il est encore dans les données du jeu. Il apparaît pas dans le jeu, finalement. Okay. Il est encore dans les données. Rockstar disait que Darkel avait été enlevé parce qu'il ne fitait pas avec le reste du jeu et que ça n'avait pas rapport au 11 septembre, mais je pense qu'on peut faire le lien. Oui, exact. Toujours dans le troisième Grand Theft Auto, les enfants et les personnes âgées avec des marchettes étaient supposés apparaître dans le jeu, mais ont été coupés. Je pense que c'est une bonne chose aussi, là, tuer les enfants, mais les gens... Mauvais goût. Ouais, bon choix d'avoir enlevé ça. Certaines des premières copies de Grand Theft Auto 3 avaient encore l'ancien logo de DMA Design, qui était le nom d'origine pour Rockstar North pendant le générique d'ouverture. Donc, le jeu a été produit par DMA Design, qui a changé de nom pour Rockstar North, mais l'ancien logo apparaissait encore dans le générique. Il y a une façon d'être un bon citoyen dans Grand Theft Auto Vice City. Si un policier dans la rue chasse quelqu'un, t'as qu'à aller voir le gars qui s'enfuit et le frapper, et tu vas recevoir un bonus de 50$ pour encourager. D'être son propre, comment dire, d'être un... Ça donne envie d'être un sauveur de vie. Voilà. Ouais. Ensuite de ça, c'est bizarre, toujours dans Grand Theft Auto Vice City, si tu passes près de Leaf Links, près du centre-ville, et que tu vas dans l'eau, dans le fond, c'est qu'il y a un gros monsieur, dont les pieds sont pris dans le ciment, et il est dans l'eau, au fond. Il est juste là, il est pas ni là, puis ses pieds sont dans le ciment, comme si c'était, je sais pas s'il s'est tué ou quelque chose comme ça. Ben voyons. Quelqu'un l'a tué. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est un peu weird. Et finalement, pour terminer, lorsque le joueur répond à son téléphone cellulaire en conduisant un vélo, il va utiliser sa main droite. Mais dans la réalité, ça ferait qu'il serait incapable d'accélérer. En fait, on parle de bike, on parle d'une motocyclette ici. Okay. Il serait incapable d'accélérer parce que le throttle est situé de ce côté-là. Et dans le jeu, le joueur est quand même capable d'opérer son téléphone cellulaire et d'accélérer pendant qu'il est sur sa moto. Donc, c'est pas réaliste. Il aurait dû vérifier ça avant. Pas mal. Donc, voilà pour cette Fit Tech Edition édition presque Grand Theft Auto. Merci, Mathieu Plante. Merci, Marie-Picard. Hey, c'est tout pour l'édition que vous venez d'entendre du Mathieu Plante Show. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 16h, mercredi à 14h. Allez voir cif.ca pour la programmation complète. Et les notes de l'émission et les balles de diffusion sur assemblagevecchi.com. Encore une fois, merci, Marie. Ça me fait plaisir et merci à toi, Mathieu Plante. Oui, c'était Mathieu Plante de la part de Marie-Ève et de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne journée, bonne soirée, bonne journée demain. Et ainsi de suite. Bye-bye.